Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Connaître ensemble. Alors aujourd'hui, nous avons une émission sur les familles nombreuses vues par deux mères de famille nombreuses et très nombreuses et par moi-même, votre animatrice Mélina Castonguay, qui de l'intérieur est née d'une famille de six. Pourra vous en parler aussi. Les thèmes, la dynamique familiale, la vie quotidienne et les adaptations en société seront au rendez-vous. Et on aura aussi à la fin de notre émission une chronique de l'actualité par notre chroniqueuse Sophie Beaudoin-Dion. Alors, bonjour à nos deux invités. Bonjour Lynn. Bonjour. Et bonjour Guylaine. Alors, Guylaine Dubé et Lynn Alain. Bonjour Mélina. Ça va bien? Oui. Alors, pour situer nos auditeurs, pouvez-vous nous dire un peu qui est votre famille? Combien y en a-t-il d'enfants dans votre famille? Moi, c'est Lynn. Moi, j'ai six enfants, trois garçons et trois filles, qui se situent entre l'âge de 17 ans et la dernière qui a 5 ans. Okay. Et on vit sur la rive sud de Québec. Alors, moi, j'en ai huit marmots, entre 5 et 21 ans, quatre garçons, quatre filles. Et puis, quand moi, je parle pas de dynamique familiale, je parle de dynamite familiale. C'est vrai que ça bouge rendu à ce nombre-là. Ah, la poussière n'a pas le temps de se déposer beaucoup sur le plancher. Là, elle reste dans les airs. Alors, on va parler d'abord un peu de la vie quotidienne, simplement de nos familles nombreuses au Québec. Mais aussi, je pourrais d'abord, j'ai oublié de décrire moi-même ma famille. Alors, je suis aînée d'une famille où est-ce qu'il y a six enfants. Donc, quatre garçons et une fille, allant de moi-même 20 ans et du plus petit, 4 ans, donc pas encore rendu à la maternelle. Il y a quand même un écart. Alors, pouvez-vous nous parler un peu, commençons par une question qui doit revenir souvent, les tâches quotidiennes dans une grande famille. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, pour ma part, c'est sûr qu'il faut s'organiser un peu puis être équitable le plus possible envers tout le monde. C'est pas toujours à la même personne à tout faire, hein? La maman ou le papa non plus. Fait que chez moi, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a un tableau au frigo où à chaque jour, en alternance, ils ont des tâches à faire, comme mettre la table, celui qui met la table, dans le fond, la vide, le second dans la liste, parce qu'il y a un ordre, là. Le deuxième, il vide le lave-vaisselle, et le troisième, remplit la vaisselle, le quatrième, lave la vaisselle, tu sais, des chaudrons, puis les choses qu'on met pas dans le lave-vaisselle. Le cinquième l'essuie, puis le sixième fait un petit ménage général dans l'entrée parce qu'il y a toujours un paquet de souliers puis de manteaux de tuque qui traînent un peu partout. Fait que ça ressemble à ça. Ça, c'est les tâches générales de tous les jours. Tout le monde a quelque chose à faire, puis ils ont toujours une journée de congé. Fait qu'ils sont toujours bien contents, c'est leur journée de congé. Puis, il y a d'autres tâches qui se rajoutent à ça qui sont aussi écrites sur ce tableau-là, comme passer la balayeuse dans leur chambre ou dans la salle de jeu. Il y en a un qui vide le recyclage et les poubelles, va porter au chemin, en tout cas, etc., ouais. Là, faire la chambre de bain, etc. Comment est-ce que, à Glenn, je pourrais poser la question, y a-t-il une organisation similaire dans votre famille? Ça se ressemble pas mal. Moi et mon chum, on est des organisateurs nés, alors... Ingénieur de formation. Alors, les tâches sont très, très définies, pratiquement à la minute près, en termes de semaine, là. Fait que c'est assez équitable. Ça va en fonction de l'âge. Les tâches sont organisées en fonction de l'âge. De temps en temps, il y a des échanges qui se font, puis on va selon le niveau de responsabilité. Par exemple, moi, j'en ai des grands qui ont comme 17, 18, 19, 20. Là. Les grands, eux autres, ils ont plus des tâches plus d'envergure, comme faire l'épicerie. Ça prend presque un permis de conduire pour faire l'épicerie. Faire le lavage ou des choses un petit qui demandent un peu plus de sens de responsabilité et d'autonomie. Là. Gérer la carte de crédit et tout ça, là, c'est des plus vieux. Là. Fait que dans le fond, les tâches sont organisées aussi en fonction du niveau de responsabilité qu'ils sont capables de prendre. Ce qui est important aussi, c'est que nombreuses familles, c'est le fun, ça fait beaucoup de main-d'œuvre, hein, pour faire plein de tâches ménagères, hein. Fait que c'est le fun, ça fait une belle distribution. Oui, puis comme tu disais, les plus vieux peuvent prendre des tâches plus d'envergure. Je me souviens que à l'âge de 13 ans, je m'occupais du lavage. Bon, ma mère pouvait dire que peut-être c'était pas à la façon dont elle le faisait. Ça aussi, je pense que les parents doivent accepter que ça soit fait peut-être différemment, mais on peut dire qu'il y a un apprentissage qui se fait, puis les jeunes peuvent quand même prendre ces tâches-là. Ben, ça leur donne à gagner de l'autonomie, hein. Faut pas toujours être en arrière d'eux autres, à toujours reprendre ce qu'ils font, puis quand c'est pas fait parfaitement, ben, faut l'accepter, ou, de temps en temps, dire, viens voir, là, tu trouves-tu, toi, t'accepterais-tu que ça soit comme ça, tu sais? Puis ils le reprennent si c'est pas correct, tu sais, mais... Une confiance en eux autres aussi, de dire, je suis capable, ma grande est partie, ma plus vieille, moi, en septembre. Puis là, quand elle est partie, elle m'a dit, hey, je trouve ça le fun, je sais comment faire l'épicerie, je sais comment faire le lavage, je sais comment cuisiner, je sais comment me ramasser. Elle dit, ben, comparativement à ma coloc, ben, elle dit, je me sens beaucoup plus sécure, oui, à partir en appartement. À quel âge peut-on commencer à... Avez-vous commencé dans vos familles à distribuer des tâches? À quel âge? Ben, moi, souvent, c'est 4-5 ans. Les petites tâches, là, faciles à faire, bon, c'est sûr qu'ils ramassent leurs jouets quand la plus grande passe la balayeuse dans le salon, exemple, là. Mais comme mettre la table, c'est des petites choses faciles, là, puis aider à vider la vaisselle, tu sais, mais ça ressemble à... Pour Guylaine, à 5 ans, ça se fait bien, ça s'accepte bien par un enfant parce qu'il commence l'école en même temps. Fait que là, tu lui dis, bon, maintenant, t'es plus un bébé, t'es plus un petit garçon, une petite fille, t'es rendu un grand garçon, une grande fille. Alors, comme tes grands frères, tes grandes sœurs, tu vas avoir une petite responsabilité, une tâche. Alors, ça passe très bien. Dans le fond, ils veulent être grands à cet âge-là, là. Alors, ils sont bien prêts à faire, à prendre une petite responsabilité pour pouvoir mettre le macaron « Je suis grand ». Oui, tout à fait. Ben, je pense à mon frère Louis qui a 4 ans et puis ce qu'il fait, c'est mettre les ustensiles dans le lave-vaisselle. Ça peut avoir l'air anodin, mais pour lui, c'est important. Puis même des fois, il demande, c'est moi qui s'en occupe, c'est lui qui le fait. Et puis aussi, c'est sûr que la plupart du temps, c'est plus long lui faire que de le faire soi-même, mais à long terme, ça peut être intéressant pour l'enfant. C'est dans l'intérêt de l'enfant aussi. Puis quand la maman trouve ça trop long, là, dans le fond, faut regarder ailleurs dans ce temps-là. Ben, je pense, en tout cas pour chez nous, là, qui a simplifié aussi beaucoup les disputes et les... Et de faire la police, hein, parce qu'on veut que ces tâches-là se fassent, mais des fois, les enfants ne veulent pas toujours les faire ou ça leur tente pas. Ben, moi, de l'avoir mis au tableau, sur le frigo, c'est comme une règle, c'est ça la norme, tout le monde l'a accepté, c'est comme, ça fait partie de la vie courante, là, fait qu'il, de l'écrire, ça... Parlant des trucs, pour faciliter justement les tâches, comment y êtes-vous pris pour distribuer ces tâches-là? On a dit que chacun avait sa tâche, mais comment est-ce qu'ils ont choisi cette tâche-là? À quel moment? Dans quelle façon? Ben, nous autres, chez nous, on y est allé selon les goûts. Des fois, ils sont tannés de faire une tâche, puis ils veulent changer aussi. Alors, on est allé selon les goûts, selon ce que ça leur tentait de faire, selon ce qu'ils sont capables de faire aussi, là. Puis quand il y a de la négociation, quand il y a une tâche qui traîne, ou comme Lynn disait tantôt, ben là, ça me tente pas cette semaine de faire le balayage, hein, ben là, à ce moment-là, il y a le disque, le petit laïus qui part, ben tu sais, il y en a, ta grande sœur a fait ton lavage pour toi, ton grand frère fait l'épicerie pour toi, moi, je vais préparer les repas pour toi, un autre fait ci, fait ça. Ouais, alors, toi, ta tâche, c'est de faire le balayage pour tout le monde. Si tu veux, fais juste ta partie de balayage, mais il va falloir que tu fasses ta partie de repas, ta partie d'épicerie, ta partie de lavage, puis à mon avis, là, ça va te prendre moins de temps à faire le balayage de toute la maison que de faire chacun ta petite partie juste pour toi. Alors ça, habituellement, ça passe bien. Assez bien. C'est ça. Oui, c'est intéressant, puis chez moi aussi, ce qu'on faisait, ça s'appelait vraiment le conseil familial. Il fallait que tu sois là, c'était un événement officiel de la famille, où est-ce que, bon, les parents dirigeaient cette rencontre familiale, et puis je dirais que des moments où est-ce qu'on avait le plus de tâches chacun, qu'on était tous à la maison, c'est environ une fois par 3 mois, 4 mois, et puis là, on discute, y en a-t-il qui veulent changer de tâche, parce que des fois, juste, il y a une certaine latitude sur une tâche, on a déjà fait le tour, et... On peut aller vers d'autres choses. Oui, c'est une autre aussi alterne. Puis je connais une famille comme ça. J'ai trouvé ça génial aussi. Ça ressemble à ce que tu viens de dire. Eux autres, ils étaient 5 enfants. Puis c'est les enfants qui faisaient leur petit comité à toutes les semaines pour décider qui ferait quoi. Fait qu'eux autres, c'était comme une autonomie qu'ils ont pris par eux-mêmes puis ils choisissaient ce qu'ils voulaient faire. Moi, je les ai laissés choisir au départ. Mais il y a des choses fixes qui alterne pour pas que ça soit toujours la même personne, exemple, qui fait de la vaisselle. Fait que ça passe bien. Puis notre rôle, je pense, comme parents, c'est de les rendre autonomes. Fait que c'est important qu'il y ait une alternance aussi pour pas qu'ils sachent de faire juste une tâche, là. À un moment donné, il faut qu'ils soient versatiles puis qu'ils apprennent à se débrouiller dans toutes les tâches, là. Oui. Pour revenir à ce que Lynn disait aussi dans la famille, les conseils d'enfants, c'était des moments assez précieux pour justement avoir des stratégies pour mieux choisir en groupe. Sans les parents. Oui, exactement. C'était un moment privilégié, je dirais, beaucoup avec mes frères aussi. En fait, je voulais apporter maintenant, peut-être tourner sur un autre sujet, sur le sujet de l'amour qu'on peut porter à nos enfants. J'avais lu dans un certain recueil une mère qui disait on ne divise pas l'amour entre ses enfants, mais on le multiplie. J'imagine que ça a été le cas pour vous. C'est sûr. Je me souviens quand tu dis ça, il y en a beaucoup de parents que ça les inquiète. Des fois, entre autres, je me souviens un jour, ma belle-sœur, quand elle tombe enceinte de son deuxième enfant, elle aimait tellement son premier garçon qu'elle disait « Je peux pas imaginer comment je vais faire. » Elle sentait coupable de pas pouvoir aimer l'autre autant parce qu'elle se dit que c'était comme impossible, tu sais. Mais en tout cas, même pour moi aussi, t'en as un, t'en as deux, t'as de l'amour pour chacun d'eux, est tout différente, la relation est différente aussi, mais on les aime tout autant. Moi, je me dis que l'amour, ça marche pas en tout comme l'argent. L'argent, là, quand tu la partages, faut que tu la divises, mais l'amour, quand tu la partages, tu la multiplies. Oui. Ça, c'est pas mathématique, ça. Oui, tout à fait. Alors, le partage a une valeur aussi bien importante. Alors, aussi pour les adaptations dans notre société, est-ce que vous avez rencontré certains obstacles, admettons dans des sorties familiales, au restaurant, des choses comme ça? Avant d'aborder les obstacles, quels ont été vraiment vos défis à l'extérieur du chez-soi? C'est sûr que l'extérieur de la maison, la famille moyenne, c'est pas 8 enfants. Alors, quand tu arrives au restaurant, les tables ou c'est pas adapté à des grosses familles. On pense aussi à notre société qui est beaucoup axée sur l'automobile, puis le déplacement par automobile, autoroute, etc. Ben un véhicule, c'est pas conçu. Il y a pas, tu sais, c'est pas pratique d'avoir un véhicule conçu pour 10 personnes non plus là. Là, ça facilite la tâche parce qu'il y en a quelques-uns qui ont des permis de conduire là, mais c'est pas évident de se déplacer à 2 véhicules non plus là. Fait qu'il y a des choses comme ça qui sont plus compliquées. Mais quand t'es plusieurs, de toute façon, faut que tu t'organises à bien des points de vue. Fait qu'il faut que tu t'organises pour ces points de vue-là aussi. Là, quand tu dis à une serveuse aussi, c'est moi qui prends la facture, puis que tu ramasses pour toute la famille, elle nous dit, c'est bien beau, c'est, si vous êtes une belle famille, vous êtes bien courageux. Mais ce qu'on y dit pas, c'est dans le fond, c'est pas du courage, c'est un peu de folie puis beaucoup d'amour. Là. Mais c'est sûr que la société est pas adaptée à ces conditions-là. Il y a des gros désavantages aussi au niveau du milieu du marché du travail, à avoir plusieurs enfants. Et peut-être qu'il reste encore un petit peu de chemin à faire au niveau de l'acceptation sociale. Pour ma part, les restaurants, ça se passe assez bien. Là. Dans le fond, ils rassemblent deux tables ou ils nous amènent dans un coin avec une grande banquette ou dans une petite salle parfois. Mais non, ça se passe bien. Où je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place aux grosses familles, c'est que quand on veut faire des activités, on veut aller quelque part, tout le monde ensemble, c'est le même portefeuille qui paye pour tout le monde. Hein? Fait qu'il devrait avoir davantage de prix familial qui limite pas le nombre d'enfants. Tu sais, tu vas juste au camping, exemple, puis ils te chargent un supplément pour les 5e personne et suivant. Oui, mais c'est tes enfants, tu sais, c'est pas des amis qui t'ont emmené, là, c'est... Puis c'est ça, tu sais, quand tu fais une sortie, je sais pas, moi, si tu vas aller au village des sports, il faut que tu le planifies ça aussi, parce que c'est très dispendieux, fait que ça... Il y a pas beaucoup de place, puis je trouve aussi que les enfants dérangent. Beaucoup, on va au restaurant, ou tu vas quelque part, quand ça fait trop de bruit, t'es au magasin, à l'épicerie, puis je sais pas, moi, ton enfant grimpe sur quelque chose, puis tout de suite, attention, on est beaucoup très protecteurs, puis beaucoup pas dérangés, là, de d'être turbulent, là, ça... des enfants, ça bouge, hein, un enfant en santé, ça a besoin de bouger, fait quand il bouge trop, en tout cas, moi, je trouve que la société ça... Est-ce que Guylaine te sentit un peu la même chose au niveau de l'acceptation qu'on fait les enfants dans les milieux publics, dans des lieux publics? Ben moi, mes plus jeunes, c'est surtout des filles. Peut-être ça bouge moins que celle-là, Aline. Non, pas vraiment. Moi, ce qui me chicote, c'est ça, c'est les tarifs dits familiaux, tu sais. Ben oui, c'est des tarifs deux familiaux, deux adultes, deux enfants. Mais là, je peux bien croire que ça convient à tout le monde, là, mais qu'on appelle pas ça des tarifs familiaux, là, qu'on appelle ça des tarifs pour 4 personnes, je vais en prendre 2, là. En tout cas. Fait que, mais c'est ça, c'est, dans le fond, je comprends que la plupart des institutions ou des commerces, ne font pas des normes ou des tarifs pour une minorité de familles. Ben, ils veulent là. Faire de l'argent, c'est sûr. Ah, oui. c'est sûr. Mais ouais. On va dépenser souvent sur autre chose, même si, tu sais, une fois en place, ben, si on a payé moins cher notre prix d'entrée, ben, on va acheter quelque chose au restaurant ou on va acheter un souvenir, dépendant où on va puis qu'est-ce qu'on fait, là, mais... Mais globalement, même si des fois on s'accroche un peu sur des petits détails comme ça, globalement, je pense, en tout cas, moi, les feedbacks que j'ai eus sur des gens qui sont venus m'aborder puis me dire, hey, c'est une belle famille, c'est bien plus des commentaires positifs. Oui, oui, tout le monde. Oui, je peux en témoigner aussi dans ma famille. Beaucoup de réactions positives, des réactions de surprise aussi, ou beaucoup de questionnements sur quelle organisation est-ce que ça prend, quels choix ont dû être faits pour en arriver là. Et le monde voit ça comme quelque chose de lourd, de gros, de fascinant, parce que, waouh, tu sais, mais... Justement, après la pause, on va parler des défis de l'organisation derrière ça que les parents ont eu, puis aussi des beaux moments qu'on va partager ensemble, qu'on a vécu en famille. Alors ça va être après la pause. Vous êtes, je vous rappelle, à l'émission Connaître Ensemble. Alors, on va entendre une chanson de Brigitte Saint-Aubin, qui est une jeune Québécoise qui a lancé son premier album, Être, et qui fait de plus en plus parler d'elle par divers festivals. Elle parle avec douceur de plusieurs facettes de la maternité avec sa chanson Au bord de la mer, M-E accent grave, R-E. À tout de suite. Des arbres accrochés de bouteilles, des femmes, des hommes, des couleurs et des formes, des poires et des pommes pour cacher le mystère de l'eau de pluie, l'eau de vie de vos yeux, la même eau des rivières qui coulent sur terre, dans une bouteille pour changer le goût de l'eau, de forme et de peau, vous fleurez dans du verre. Monsieur William Wallaby, je l'ai laissé voir, mon cœur en forme de poire. Monsieur William, will I be what I am si je l'ai laissé voir? L'eau de vie de mon âme. Monsieur William, j'avais mis à la mer des cadeaux dans mon âme. Se parle devant la chance de trouver à la flotte un amour, une flamme plutôt qu'une vieille botte. Mais sur le roc, j'ai cassé ma carcasse, ma bouteille, un flasque, un fiasco, une flaque. Alors maintenant, il faut pas s'étonner si l'eau de vie de mon âme goûte la mer salée. Monsieur William, will I be what I am si je l'ai laissé. Avec un drôle de crâne, je suis pas pareil, je vois la vie à travers des fonds de bouteilles et je parle à l'envers. Monsieur William, te vous Lucifer, pour m'avoir mis sur terre les deux pieds dans l'enfer. Pardonnez-moi, mais j'aimerais parfois accrocher ma fille de merveille. Monsieur William Willoughby, what I am, si je la laisse voir mon cœur en forme de poire. Monsieur William Willoughby, what I am, si je la laisse voir l'eau de vie. Vous êtes de retour à l'émission Connaître ensemble. Alors, c'est une émission sur la périnatalité avec les étudiantes en pratique sage-femme. C'est Mélina Castonguay qui est au micro avec vous. Et on est de retour avec Lynn Alain et Guylaine Dubé qui nous parlent de leur vécu dans les familles nombreuses et moi-même qui étais née d'une grande famille. Et on va parler de quels sont les avantages, quelles sont les belles choses du fait d'être dans une grande famille. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Ce vécu-là? Ben moi, je peux vous parler de Noël. C'est sûr que la fête de Noël, c'est un temps chaud dans une grande famille. Je me plais à dire que chez nous, on ne met plus les cadeaux en dessous de l'arbre de Noël. On met plutôt l'arbre de Noël par-dessus les cadeaux. On faudrait pratiquement le suspendre au plafond pour avoir de la place à mettre tous les cadeaux en dessous. Bref, quand ça se déballe, tout ça, c'est une ambiance unique là dans la maison. Là, j'avoue que c'est assez beau de voir ça avec le Père Noël, puis tous les beaux petits visages épanouis, les beaux et les grands, les petits et les grands, là, parce que c'est sûr qu'il y en a de tous les âges. C'est bien le fun, en tout cas. Puis on peut se dire que Noël vit plus longtemps aussi, parce que je pense à chez moi, où est-ce que ma soeur de 7 ans a encore cette croyance du Père Noël, et puis à quelque part, même les plus vieux, on le réinvente à chaque année pour ces plus jeunes-là, chose qu'on n'aurait jamais fait si on était seul. Juste des adultes, juste oui. Des grands, là, ben tout à oui, fait. C'est sûr. Puis on garde cette magie-là aussi. C'est sûr. Puis moi, je trouve que ce qu'il y a de merveilleux dans une grande famille aussi, c'est que les plus vieux voient et se rappellent ce que c'était être petit, dans le fond, puis qu'ils sont là aussi pour les aider, puis d'aller faire dodo avec sa grande sœur, c'est des moments magiques que pas beaucoup de grandes sœurs peuvent vivre, tu sais, dans le fond, de s'occuper d'un petit bébé, de voir sa mère allaiter. Tu sais, souvent, quand on a juste deux enfants, mais on voit pas ça, cette continuité-là avec les autres, puis l'échange aussi entre frères et sœurs. Mais je pourrais encore en parler, parce que moi-même, je l'ai beaucoup vécu, ce fait de voir les plus jeunes. À 15 ans, mon frère naissait à la maison de naissance Côte-des-Neiges. Donc, j'ai pu voir qu'est-ce que constituait le postnatal, aussi qu'est-ce qu'était la réalité des parents. Ça m'est arrivé souvent de me réveiller moi aussi la nuit, parce que oui, il pleurait, mes parents allaient s'en occuper, etc. Bon, c'est pas moi qui se levais la nuit, on s'entend. Mais ça m'a fait prendre conscience de la grande responsabilité que ça l'incombait, et par rapport à mes amis de secondaire qui trouvaient mon petit frère bien mignon et tout ça, moi je leur répondais oui c'est vrai, on l'adore et tout ça, mais avant que j'en aie un moi-même, ça va prendre quelques années. Il est bien fin, mais il pleure la nuit, hein? Oui, exactement. Mes amis voyaient pas, on dirait, ce côté-là de la médaille. Puis de l'autre côté, les choses intéressantes aussi, l'espèce de transmission des savoirs. J'ai vu ma mère allaiter pendant longtemps, donc pour moi, c'est quelque chose qui va aller de... C'est un choix personnel, là. Je dis pas que... C'est sûr. Moi, chez nous, c'est sûr, même les garçons, une fois, une anecdote, un de mes garçons, on écoutait un film... Puis, je me souviens plus exactement de l'histoire au complet, mais cette mère-là est décédée. Puis, la première réaction de mon enfant, de mon garçon, ça a été, « Mais maman, comment ils vont faire pour donner du lait au bébé? » Parce que pour lui, ça a toujours été, il m'a toujours vu allaiter, puis même la dernière s'en souvient parce qu'elle était assez grande quand j'ai fini, quand le sevrage est fait. Fait que dans le fond, lui, c'est comme une transmission qui va être en lui, tu sais. Puis la relation là entre les plus vieux puis les plus jeunes, c'est unique là. Ma plus vieille, moi qui a 21 ans, puis mon plus jeune qui a 5 ans, tu sais, dans le fond, ça pourrait être pratiquement sa mère là. Fait que les liens sont très très très différents d'un frère et sœur qui a comme 2 ans de différence d'âge. C'est pas en tout pareil. Non, ça non. Sera pas un ami pour partager un jeu. Ça va être un modèle. Fait que les modèles, c'est pas juste les parents qui fournissent les modèles ou les matantes ou c'est les grands frères, les grandes sœurs qui sont un modèle comme immédiat à la portée. C'est sûr que les grands frères et grandes sœurs de 19, 20 ans, des fois, ils font des niaiseries, là. Mais en tout cas, j'imagine qu'ils vont apprendre comme petits à voir ça puis à gérer ça aussi, là, quand ils vont arriver à ces âges-là. Puis je pense qu'en vieillissant, ils vont toujours se référer à leur grand frère, leur grande sœur. C'est pas du tout la même relation que tu peux avoir avec un adulte grand frère qu'avec un adulte papa, là. Alors, je pense que c'est juste enrichissant d'avoir cette variété-là de relations dans ton vécu, là. Tout à fait. Donc, c'est ça. Moi, je parlais comme aînée, l'idée de voir qu'est-ce qu'avoir un jeune enfant. Mais de l'autre côté, effectivement, les plus jeunes ont ce regard-là sur le modèle. Ils ont un peu... Les plus grands ont déjà tracé le chemin, quoique chacun... Je pense que chaque enfant a aussi son projet de vie, est une personne en soi, et puis va grandir à travers ça, mais... peut avoir du soutien à divers niveaux, effectivement. On dit aussi la débrouillardise comme thème que vivre en famille nombreuse peut aider à la débrouillardise parce que personnellement, je me rappelais que ma mère, malgré sa grande volonté d'être toujours disponible, malheureusement, parfois, elle avait réponses urgentes. Mais c'est ça, ils apprennent à se débrouiller et ils deviennent souvent plus autonomes parce que maman n'est pas toujours à côté. Ou ils s'arrangent entre eux, ou tu sais, dans le fond, ils trouvent d'autres façons. En tout cas, moi, souvent, le commentaire que j'ai d'amis ou de l'entourage, c'est, tu sais, on le voit tout de suite, la dynamique là chez tes enfants, qu'ils sont capables de se débrouiller quand il arrive quelque chose. Là. Mais comme parents aussi, on n'aura pas tendance à faire à la place d'eux. Parce que je pense, d'abord, on est des fois un petit peu débordés. On peut pas tout faire. On en a conscience. Et puis, on peut pas faire à la place d'eux. Fait que je pense que c'est ça, probablement, qui aide les enfants à devenir autonomes. Comparativement à une famille où il y a juste un ou deux enfants, c'est beaucoup plus tentant d'habiller son tout-petit jusqu'à temps qu'il soit obligé d'aller à la maternelle, là. Alors que quand t'en as plusieurs, ben, tu peux pas le faire. Puis, d'un autre côté, ça prend plus de temps, mais je pense qu'on fait des gains pareils. L'objectif, c'est de les rendre autonomes, là. Oui. Puis, une question qu'on se fait peut-être souvent poser, c'est est-ce 8 fois plus de travail d'avoir 8 enfants qu'un seul, par exemple? Ben, moi, je me plais à dire que, ben, par exemple, pour les repas, je fais pas 8 repas. Je fais un seul repas, je prends le chaudron plus grand. On en fait juste plus. Je parle de ma grosse cuillère et de mon gros chaudron de sorcière. Alors, ça fait un gros chaudron de soupe et puis, ben, ça fait plein de monde pour arranger des légumes. Mais j'avoue que quand on mange de la fondue au chocolat, il y a bien plus de monde de volontaires pour arranger des fruits que des gens pour arranger des légumes pour la soupe. Justement, pour l'organisation des repas du côté de notre famille, en fait, comment ça fonctionnait? Un truc que ma mère avait trouvé justement pour stimuler la volonté des enfants de faire les repas, c'est lorsqu'on choisissait son repas, on avait une certaine latitude aussi. Ça peut être des petites pizzas sur des pita bruns là, ou quoi que ce soit, mais ça restait quand même le choix de l'enfant et une façon amusante, si on veut, d'apprendre à cuisiner. Je peux dire que même mon frère, mais c'est quand même étonnant, mais mes deux frères travaillent, celui de 18 ans et de 15 ans, travaillent dans des restaurants, donc on peut dire que ça allait certainement porter des fruits, alors que c'est pas toujours les garçons qui vont prendre peut-être l'initiative, mais... Ben, si jamais on veut te faire un plaisir intense, mais là, on saura quoi faire, des petites pizzas sur des petits un souvenir d'enfance, oui. Comme on en a fait souvent aussi, des fois, c'était pas toujours des repas, comme je disais, aussi nutritifs que ma mère l'aurait voulu, mais on développait pas juste la partie côté, mettre 2 cuillères de ci, 2 cuillères de ça. Il y avait toute la dimension du plaisir en préparant cette nourriture-là. Et il y a un plaisir, je dirais, peut-être supplémentaire à préparer la nourriture pour un groupe, alors qu'on sait que l'ensemble, on va partager ça autour de la famille. Oui. De la table en famille. Et moi, je rajouterais un autre des plaisirs, tu disais, d'être en grande famille. C'est que nous autres, on fait beaucoup de jeux de société, des jeux de cartes. Même la plus petite, là, elle s'intègre dans le jeu, puis elle veut toujours jouer, là. Même des fois, ça dérange les grands, mais tu sais, c'est, il y a toujours une dynamique où on aime être assemblés, on aime faire des choses ensemble, tu sais. Puis on partage les choses le fun, on partage les choses moins le fun aussi. Ouais. Je racontais, quand il y a un conflit, par exemple, dans une grosse famille, quand il y a un conflit entre deux enfants, alors les enfants, ils peuvent comme mettre fin à leur interaction, là, les deux qui sont en conflit, ils mettent fin à leur relation. Puis là, ils ont plein d'autres mondes pour aller jouer autour. Ils vont se revirer vers un grand frère, une grande sœur, un petit frère, une petite sœur. Puis ils vont aller comme bâtir un nouveau contact, un nouveau jeu, une nouvelle activité. Et puis, bon, ben si ça marche plus avec un, ben ça va marcher avec d'autres, mais il y en a d'autres autour. Avec et ça, partager les peines aussi. Mmh. Oui. Ils vont peut-être mettre leur énergie ailleurs un moment, puis pouvoir revenir plus facilement ensemble aussi. Tu disais? Partager les peines, ouais, c'est ça. S'ils ont de la peine, ils se font mal, maman ou papa est pas proche, ben tu sais, c'est la grande sœur ou le grand frère qui peut consoler aussi, tu sais, fait que ça fait des belles échanges. Il y a pas juste papa maman qui peut becquer bobo, là, il y a plein d'autres monde qui peuvent becquer bobo aussi. Souvent ils cherchent maman ou papa d'abord, mais tu sais, c'est présent aussi, ouais. Quand même. Je pense à mes frères qui sont plutôt protecteurs, surtout envers les plus jeunes, effectivement, qui... Je pense que ça donne une belle sécurité aux enfants au niveau de oui, oui, de l'attachement. Rassurant. Et puis aussi, une chose que je voulais noter tantôt, lorsque nous parlions des repas, une tradition chez nous, ce sont les tours de table pour s'assurer que tout le monde parle, étant donné que nous sommes plus que quelques-uns. C'est vraiment la tradition à chaque repas que nous partageons ensemble, chose qui est quand même sacrée, je veux dire, ça, c'est très, très occasionnel que quelqu'un, s'il est dans la maison, ne participe pas, va dire un peu un résumé de sa journée. Principalement le soir, on fait ça, un résumé de sa journée. Même parfois au déjeuner, mon père avait pris l'habitude de préparer des grands repas et on pouvait le faire avant de commencer nos journées, chose qui était quand même plaisante. Ben chez nous, c'est nos repas de fin de semaine qui sont nos déjeuners de fin de semaine qui sont ça, le samedi matin, dimanche matin là. Un échange de ce qu'on a vécu. Là. Mm. Oui. Important. Quelque chose qu'on veut souligner puis qu'on veut partager à tous les autres membres de la famille. Et je dirais que étonnamment, des fois, je comparais avec des amis puis on dirait que je parlais même plus à mes parents, même si on était plus à vouloir leur parler parce que la télévision était interdite, étant donné qu'on voulait favoriser ces échanges familiaux. Oui. Et puis, une autre chose que je voulais bien partager sur ma famille, c'est une extension de la famille, si on veut, l'espèce de quartier familial, comme j'aime l'appeler. En fait, ma mère a aussi des liens très soudés avec deux de ses frères qui ont emménagé proche de chez nous, donc dans un rayon de quelques pâtés de maison. Ces deux frères sont donc là et passent aussi et se rajoutent aux six enfants que nous sommes. Et comme la fin de semaine passée, mon oncle avec ses deux jumeaux de 2 ans venait se joindre au repas. Ben moi, je pense que les enfants attirent les enfants. Ben chez nous, quand chacun invite un ami à la maison, ben il y a 16 enfants. Alors, c'est ça qui arrive. C'est comme, on devient une maison ouverte aussi. Mais je pense que comme parents aussi, ça nous dérange moins. Quelqu'un qui s'invite à l'improviste ou que tu rencontres sur le chemin puis viens souper. Oh non, je veux pas te déranger. Mais non, mais tu nous déranges pas. Tu sais, fallait faire à manger quand même puis ça fait comme partie de notre vie. Même si quelqu'un vient puis veut coucher chez vous, pas de problème. Tu sais, c'est... Ça change pas les proportions dans on le chaudron. On est peut-être plus souple, là, je sais pas. Deux personnes qui se rajoutent à une famille de 10. Ça fait pas une grosse proportion, là. Ça fait même pas... ça paraît pas, c'est, là. Non, effectivement, ça passe un peu inaperçu. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Ben, ça a été un plaisir. Et puis, dans le fond, avant de quitter, j'ai oublié, je voulais vous demander peut-être un événement heureux auquel vous pensez, quand vous pensez à votre famille, une activité que vous avez faite particulière, où ça aurait peut-être été différent si vous n'étiez pas dans le même nombre. Ben moi, l'an passé, là, je suis allée à Cuba avec mes enfants. puis ils s'en souviennent encore, ma tout petite, elle en parle encore, puis elle aimerait ça y retourner. Mais ce que moi je trouve magique dans ça, oui, c'est le fun de faire un voyage, mais moi j'irai partout avec mes enfants. Je les emmènerai avec moi à chaque fois que je fais un voyage. Tu sais, souvent, il y a des parents qui préfèrent prendre un moment tout seul à deux, et c'est correct aussi. Mais moi, je trouve la magie de voir leurs yeux, des émerveillements, de voir un nouvel endroit, de découvrir des choses. Tu sais, il y a des fois, même ma plus vieille, quand on était à Cuba, elle dit, mais pourquoi t'emmènes Amy? Ça, c'est la plus petite. Elle dit, tout petite, elle s'en souviendra pas, tu sais. Je dis, non, c'est pas pour Amy que je le fais, c'est pour moi. C'est moi qui va se souvenir de tous ces moments-là, tu sais. Fait que ça, c'est magique, ça n'a pas de prix. Hein. Pour moi, les plus beaux moments, c'est quand j'arrivais à la maison avec un nouveau petit frère ou une nouvelle petite sœur. C'est tellement la fin du monde, là, ça n'a pas de sens. J'essaie d'en parler, puis j'ai le moton, là. C'est incroyablement intense. C'est un beau cadeau. Oui. Tout cet apprentissage-là aussi d'accueillir quelqu'un, j'imagine que ces enfants-là aussi apprennent quelque chose qui était difficile d'apprendre, mais à l'école ou autre, mais l'ouverture aussi, puis l'accueil qu'on peut faire aussi. Ouais. Je crois que les notions d'accueil sont très présentes. Oui, mais je pense que les enfants aussi sont plus tolérants aussi, hein, parce qu'ils ont à la maison à accepter, à concilier, à s'ajuster, oui, c'est ça, constamment. Fait que quand ça arrive à l'école ou en conflit avec des amis, mais je pense qu'ils s'adaptent bien. Hein. En tout cas, ils ont des outils pour. Ils apprennent aussi à ne pas avoir tout ce qu'ils désirent, oui, en termes de matériel. Ça, c'est quelque chose qui est important. On est tellement entraînés dans notre société matérialiste à posséder beaucoup de choses. À tout avoir, ouais, individuellement. Ben, dans une grosse famille, non, c'est pas des choses qu'on possède, c'est pas ça, c'est plus des c'est relations pas notre priorité, qu'on possède. C'est sûr. C'est ça, les priorités sont ailleurs, peut-être. Parce qu'on peut s'imaginer que plusieurs choix ont dû être faits aussi dans ce sens-là, parce que le coût de la vie implique aussi aujourd'hui que... Avoir 8 mais enfants, mais est-ce que c'est ça le bonheur de tout avoir, posséder la télé, son ordinateur dans sa chambre, son jeu Game Boy, aller en voyage à chaque année? Tu sais, les plus beaux souvenirs qu'on a de quand on était petit, tu sais, c'est souvent un petit voyage, je sais pas, à Toronto avec maman, des jeux de cartes, des parties qu'on a faites en famille, du temps passé ensemble. T'sais. C'est souvent pas en lien avec des biens matériels. Oui, tout à fait. Ben, je pense à la télé. Bon, on a une télévision chez nous, puis des fois, bon, c'est sûr qu'on aime se détendre, le samedi soir, on écoute un film, mais elle sert plutôt à, justement, le visionnement d'un film familial. Chez nous aussi, ouais. Et puis, ça sert à rassembler tout le monde. Oui, c'est ça, puis on dirait qu'on a moins besoin de l'allumer, parce que de toute façon, il y a tellement de brouhaha que... Mais dans le fond, vous la regardez, la télé, mais vous l'allumez pas. Oui, on peut dire ça. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous donc sur ce sujet des grandes familles aujourd'hui en 2009. Mm-hmm. Alors merci de nous avoir invités. Ben, ça fait plaisir. Et à la prochaine. Et oui, à la prochaine. Et on peut souligner aussi ce sont aussi deux étudiantes de première année en pratique sage-femme, comme quoi il y a des étudiantes de tout âge et qui apportent d'ailleurs beaucoup aux autres étudiantes de la cohorte. Ah, ben merci. Oui. Merci. Alors, on enchaîne tout de suite avec Sophie, notre chroniqueuse chronique actualité, qui va nous parler de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en périnatalité. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, je voulais vous parler que 2009, là, c'est vraiment l'année avec un grand A. C'est-à-dire que on célèbre, bon, les 10 ans de la pratique sage-femme, en fait, qui a été légalisée en juin 1999, et puis que l'Ordre des sages-femmes du Québec a commencé ses activités dans la même année, qui visait, bon, à baliser la pratique. Et puis, aussi, les 15 ans des projets pilotes des maisons de naissance, parce que on sait que la légalisation de la pratique sage-femme vient des résultats hautement favorables de ces projets pilotes-là. Et puis aussi les 10 ans de notre baccalauréat en pratique sage-femme, qui est aussi devenu bon la voie d'accès à la pratique. Alors, on peut aussi célébrer, dans le fond, les 5 ans du règlement très attendu qui a rendu officiel le domicile comme choix de lieu de naissance. Et puis... c'est certain que l'histoire de la pratique sage-femme, ça n'a pas commencé il y a 10 ans. Ça a commencé avec les premières maternités puis les premières femmes. Mais il y a beaucoup à célébrer à propos des 15 dernières années de naissance au Québec. Donc, j'inviterai tout le monde des milieux de la périnatalité à joindre à nous pour ça. Et puis, vous êtes tous invités donc à nous écrire à propos de votre passion, vos contacts, vos talents que vous avez envie de mettre à contribution cette année, qui va nous permettre de se réjouir sur la pratique, de continuer d'aller de l'avant avec les nouveaux espoirs, puis les changements à l'horizon. Donc, vous êtes invités à nous écrire à notre adresse courriel si vous avez le goût d'organiser quelque chose pour célébrer avec nous. Alors, on est ouverts à toutes les propositions et puis on a bien envie de partager justement cette belle fête. Alors, justement, notre adresse, alors, connaître ensemble @uqtr.ca, c'est co-naître.ensemble@uqtr.ca. Alors, c'est ça, l'équipe radio est en train de penser peut-être à une idée pour célébrer le tout cette année. Alors ça, c'est pour les festivités qui sont grandes cette année. Et puis aussi, nous vous annonçons que la semaine prochaine, nous aurons une invitée d'honneur. Hélène Vadeboncœur viendra à l'émission comme notre invitée unique parce qu'elle a beaucoup à nous parler. Hélène Vadeboncœur est très connue pour son livre « Une autre césarienne, non merci ». Alors, pour la discussion autour du fait d'avoir un accouchement vaginal, après avoir eu une césarienne, donc les considérations à prendre et la possibilité de le faire, on peut souligner que les sages-femmes peuvent suivre des femmes qui vont vers un AVAC, accouchement vaginal après césarienne, selon les maisons de naissance, la plupart l'offrent. Alors, voilà pour cette semaine. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine à l'émission Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité, l'émission des étudiantes en pratique sage-femme. À bientôt.